Chapitre 5e. La rivière guérit bien des maux. Ce n'est pas une belle rivière que le Sloshi, à moins cependant qu'un amas de vase liquide ne soit un beau spectacle, car le Sloshi est extrêmement vaseux. Le Sloshi est une sorte de compromis désagréable entre une rivière et un canal. C'est une espèce de canal qui, comme la grenouille de la fable, ayant vu une rivière, veut se faire aussi gros qu'elle. Le Sloshi éprouve fréquemment le besoin de grossir. Il sort de son lit et engloutit, comme si de rien n'était, quelques maisons, et une ou deux fois l'an, il va déposer son ignoble limon jusque dans les faubourgs de la ville. Il n'aime pas les enfants, et l'on sait qu'il a étouffé dans son sein l'espoir de bien des familles. Souvent, on l'a vu porter jusqu'à la mer lointaine le chapeau de paille de Clara, ou la blouse de Johnny qu'il étale à sa surface, comme un étendard de triomphe, car il traite par-ci par-là quelques petites affaires avec le personnage au pâle coursier. Souvent aussi, des têtes fatiguées ont dormi plus profondément sur ce lit hideux, sombre et gluant, que sur des couches de duvet. Oh, puissions-nous ne jamais songer à demander la paix du sommeil à une telle couche? C'est une rivière sombre, laide et pernicieuse, une rivière qui ne vous parle que de peine, de douleur et d'angoisse, une rivière que certaines pauvres créatures mortelles et impressionnables, qu'un nuage attriste et qu'un rayon de soleil ranime, feraient bien de ne pas regarder. Je me demande ce que cette femme-là pense de la rivière. C'est une femme, pauvrement vêtue, qui porte un enfant dans ses bras. Elle va et vient lentement sur une des rives, par cet après-midi du jour où le meurtre de M. Montagarding a été commis. C'est un endroit bien solitaire que celui qu'elle a choisi à l'extrémité des faubourgs de Sloporton. Et la ville de Sloporton, n'étant à tout prendre qu'une ville très laide, est encore bien plus laide dans ses faubourgs. Ceci consiste en deux ou trois manufactures, une grande diablesse de prison, dont les murs sont plus insensibles que le roc, une rangée de maisons mesquines, quelques constructions neuves inachevées, et d'autres anciennes à demi ruinées qui pendit autour de Sloporton comme les lambeaux d'étoffe qui frangent un vêtement usé. L'enfant que porte cette femme est tout tremblant. Il est vrai que l'atmosphère humide et brumeuse des rives du Sloshi est peu faite pour animer les esprits ou égayer le tempérament des enfants ou même d'une grande personne. La femme presse l'enfant avec impatience sur sa poitrine et jette sur ses traits débiles un regard étrange qui n'a rien de maternel. Pauvre malheureuse créature! Peut-être ne voit-elle pas en ce léger fardeau un enfant. Elle ne voit peut-être en lui qu'une honte, une gêne, une douleur. Elle a été jolie. C'était il y a un an peut-être, une brillante beauté de campagne. Mais maintenant elle n'est plus qu'une créature fanée, rongée par les soucis. Son visage est pâle et un cercle creux entoure ses yeux. Elle a joué la seule partie qu'une femme ait à jouer et perdu le seul enjeu qu'une femme ait à perdre. Viendra-t-il? Ou bien me faudra-t-il souffrir encore pendant un long jour? Tais-toi, tais-toi donc, comme si je n'avais pas encore assez de peine à te porter sans que tu cries. C'est au baby tout tremblant qu'elle adresse ces mots. Mais le petit bonhomme est engagé dans une lutte violente avec sa casquette et il vient d'arracher une poignée de la filasse qui en tapisse le fond. Sur cette rive sinistre du Sloshi, on voit une sorte de cabaret, à l'aspect également sinistre et de construction ancienne, bien qu'il soit entouré de maisons récemment commencées. C'est une petite taverne borgne et honteuse, sur laquelle on lit et écrit en grosses lettres noires « Old Tom » à 4 pence le litre et « Gin » un penny le verre. Ce misérable cabaret n'a jamais vu de meilleurs jours et n'espère pas en voir jamais de meilleurs. Les hommes qui le fréquentent sont quelques flâneurs d'une fabrique voisine, ou les charbonniers dont les bateaux sont amarrés près de là. Par les après-midi pluvieuses, ces gens peu occupés viennent jouer dans une petite salle avec des cartes crasseuses et écornées. Ils marquent les points en promenant sur la table graisseuse leurs doigts préalablement trempés dans la bière. Ce n'est pas un lieu bien séduisant pour se divertir que ce cabaret borgne. Quoi qu'il en soit, il semble attirer la femme à l'enfant, car elle jette en passant un regard d'envie sur sa porte. Elle fouille dans sa poche, finit par y trouver 3 demi-pence, juste ce qu'il faut, à ce qu'il paraît, car elle franchit le seuil boueux et 2 minutes après, elle reparaît essuyant ses lèvres. En même temps, elle heurte un homme, enveloppé dans un paletot d'hiver et dont la partie inférieure du visage est enfouie sous un épais cache-nez. « Je pensais que vous ne viendriez pas, » dit-elle. « Ah vraiment? Alors vous vous trompiez. Mais vous auriez pu avoir raison, car si je viens, c'est vraiment un hasard. Je ne puis être à vos ordres nuit et jour. » « Je ne vous demande pas d'être à mes ordres. Vous ne m'avez pas habitué à tant d'égards pour que j'attende cela de vous, Jabez. » L'homme tressaillit et tourna la tête comme s'il s'attendait à trouver tout cela portonne sur son dos. mais il ne passait absolument personne. « Il est inutile de vous montrer si prodigue de mon nom, » dit-il. « On pourrait vous entendre. Y a-t-il quelqu'un là-dedans » demanda-t-il en indiquant la taverne. « Non, il n'y a que le tavernier. Entrons alors, nous y serons mieux. Ce brouillard vous pénètre jusqu'aux os. » Cependant, il ne paraît pas avoir songé que la femme et l'enfant étaient exposés à ce brouillard depuis plus d'une heure, car il est en retard de 5 quarts d'heure au moins. Il entre le premier dans la petite salle. Il ne s'y trouve pas de charbonnier pour le moment, et les cartes écornées sont rassemblées en un paquet sur une table gluante, au milieu de pipes cassées et de taches de bière. Cette table se trouve placée près de la fenêtre qui ouvre sur le chemin de halage, et c'est auprès de cette fenêtre que la femme s'assoit. Jabez North, lui, a pris place de l'autre côté de la table. Le grelottant baby s'est endormi. Il est tranquillement étendu sur les genoux de la femme. « Que prenez-vous ?»« Un peu de gin, » répond-elle, non pas toutefois sans une certaine hésitation dans la voix. « Ah, vous avez trouvé cette consolation, hein ?» Il prononce ces mots avec un coup d'œil de satisfaction qu'il ne peut réprimer. « Quelle autre consolation reste-t-il aux femmes comme moi, Jabez ?» J'ai cru d'abord y trouver l'oubli. Rien maintenant ne saura me faire oublier, mais... » Elle n'acheva pas sa phrase, mais elle dirigea son regard vague et sinistre sur les eaux noires du Sloshi, qui, à mesure que la marée s'élevait, aidée par la violence du vent, trempait le chemin de halage jusque sous les fenêtres du cabaret. « Eh bien, comme je suppose que vous ne m'avez pas fait venir ici dans le seul but de me faire entendre ces lugubres paroles, peut-être me direz-vous ce que vous voulez. Mon temps est extrêmement précieux. » Et s'il ne l'était pas, je ne puis dire que je tiendrais beaucoup à rester ici longtemps. C'est un si ravissant bouge, situé dans un quartier si attrayant. Je vis dans ce quartier, Jabez. Du moins, j'y meurs de faim. Oh, nous y voilà, dit le beau Jabez, en faisant une mine d'une aune. Nous y arrivons. Vous voulez de l'argent? Voilà comment finissent toujours ces sortes de choses. J'avais espéré une autre fin, Jabez. J'ai espéré longtemps, quand je pensais que vous m'aimiez. Oh, nous y revenons encore, dit-il avec un geste d'ennui. Il s'empara du jeu de cartes placé devant lui et commença à élever une maisonnette comme font les enfants en jouant. Rien ne pourrait mieux que cette action exprimer sa résolution de ne pas écouter ce que la femme pourrait lui dire. Mais elle continue néanmoins. « Vous voyez, j'étais une pauvre fille bien naïve, Jabez, où j'aurais su mieux m'y prendre. J'avais été habitué à croire comme parole d'évangile tout ce que me disaient mes parents. J'ignorais le mensonge. Je ne pensais pas que lorsque l'homme que j'aimais de toute mon âme, au point d'oublier toute autre créature vivante et tous mes devoirs envers les hommes et Dieu, je ne pensais pas, lorsque l'homme que j'aimais à ce point disait ceci ou cela, à lui demander s'il était sincère, ou si tout ce qu'il me disait n'était qu'un horrible et cruel mensonge. Ignorante comme je l'étais, je n'y pensais pas, et je croyais devenir votre femme, comme vous m'aviez juré que je la deviendrais, et que ce petit être-là pourrait vous appeler son père et être un jour notre joie, notre bonheur à tous deux. » Ces derniers mots réveillèrent l'enfant. Il ouvrit les yeux où brillait une sorte de colère, et ses petits poings se crispèrent comme pour faire un geste de menace. Si la rivière avait pu faire entendre une voix prophétique, certes, elle se fût écriée. Une honte, et un déshonneur, un ennemi, un vengeur impitoyable dans l'avenir. La maison de cartes avait atteint 3 étages. Jabez prenait les cartes écornées une à une avec une lente précision. De sa main blanche, il les posait délicatement sur le frêle échafaudage. La femme portait alternativement ses yeux secs mais tristes sur lui et sur la rivière. « Vous ne demandez pas à voir l'enfant, Jabez ?»« Je n'aime pas les enfants, » dit-il. « J'en vois assez comme cela chez le docteur. »« Les enfants et la grammaire latine. Je n'en vois pas la fin. » Il dit ces derniers mots en lui-même et d'une voix étouffée. « Mais votre enfant, Jabez, votre propre enfant, à ce que vous dites ?» Elle se leva et fixa sur lui un regard qui semblait dire « Et c'est là l'homme que j'ai aimé. C'est là l'homme pour lequel je me suis perdu. » S'il avait pu voir son regard, mais il s'était baissé pour ramasser une carte. La maison était maintenant élevée de 5 étages. « Allons, » dit-il d'un ton rude et déterminé. « Vous m'avez écrit pour me donner rendez-vous, car vous étiez mourante, disiez-vous. Vous aviez le cœur brisé, ce qui signifie que vous avez pris goût au gin. Excellente chose pour nourrir un enfant. » Et vous vouliez que je vous empêchasse de mourir. Combien vous faut-il? Je comptais avoir à ma disposition aujourd'hui une certaine somme. Peu vous importe comment, cela n'est pas votre affaire. » Il dit ces paroles d'un ton bourru et impatient en réponse à un regard qu'il avait attendu d'elle. Mais elle avait repris sa première position et continuait à regarder par la fenêtre. « Je comptais être plus riche aujourd'hui, mais j'ai été désappointé, reprit-il. Cependant, j'ai apporté ce que j'ai pu, de sorte que ce que vous avez du mieux à faire, c'est de le prendre et de quitter Slopperton le plus tôt possible, afin que je ne revoie plus votre pâle et misérable figure. » Il compta 4 souverains sur la table graisseuse, puis, ajoutant un 6e étage à la maison de cartes, il contempla le frêle édifice avec un regard de triomphe. « C'est ainsi que de l'avenir je veux élever ma fortune, » se dit-il en lui-même. Un homme qui venait d'entrer sans faire de bruit dans la petite salle passa derrière lui et lui frôla l'épaule. La maison de cartes d'Assia et tomba sur la table. Jabez se retourna furieux. « Pourquoi diable avez-vous fait cela ? » demanda-t-il. L'homme fit un geste d'excuse, porta les doigts à ses lèvres et secoua la tête. « Oh ! » dit Jabez, sourd et muet. « Tant mieux !» L'étranger s'assit à une autre table, sur laquelle le cabaretier déposa une pinte de bière, puis il prit un journal et parut lire attentivement. Mais, abrité derrière la feuille, il épiait Jabez d'un regard furtif et pendant tout ce temps, sa bouche inclinait fortement à gauche par un mouvement nerveux. Cependant, la femme n'avait pas touché l'argent. Elle n'avait pas même changé de position. Mais maintenant, elle s'approcha de la table et prit un à un les 4 souverains. « Après ce que vous m'avez dit aujourd'hui, je verrai cet enfant mourir de faim, d'heure en heure, plutôt que de toucher un morceau de pain acheté avec votre argent. J'ai entendu dire que les eaux de cette rivière sont pernicieuses et qu'elles donnent la mort à ceux qui vivent sur ses bords. Mais je sais si bien que les pensées de votre ignoble cœur sont beaucoup plus pernicieuses et un poison plus amer encore. Plutôt que de m'adresser à vous, j'aimerais mieux solliciter la pitié de ces eaux noires. » En disant ces mots, elle jeta les souverains à la tête de Jabez avec une telle force que l'un d'eux, l'atteignant au-dessus du sourcil, lui ouvrit le front et le sang inonda ses yeux. La femme ne s'inquiétait pas de la blessure qu'elle avait faite, mais revenant à la fenêtre, elle continua de contempler la rivière comme si en effet elle lui implorait sa pitié. Le muet aida l'aubergiste à panser la blessure de Jabez. C'était une coupure très profonde et qui semblait devoir laisser une cicatrice ineffaçable. Jabez, après le coup qu'il venait de recevoir, ne parut pas mieux ni de meilleure humeur. Il n'adressa pas un seul mot à la femme, mais il se mit à tout hasard à chercher les pièces d'or qui avaient roulé dans les divers coins de la chambre. Il n'en put retrouver que 3, bien que le cabaretier eût apporté de la lumière, et malgré les recherches des 3 hommes, on ne put mettre la main sur la 4e. Jabez, abandonnant ses recherches, paya ce qu'il avait pris et sortit sans jeter un seul coup d'œil sur la femme et l'enfant. « Me voilà débarrassé à bon marché de ce chat-tigre, » se dit-il en lui-même. « Mais c'est égal. J'ai fait une mauvaise après-midi. Comment expliquer cette coupure au docteur ?» Il consulta sa montre. « 5 heures. Je serai rentré pour le thé. Je pourrai pénétrer dans la cour de la gymnastique par la petite porte, faire un tour de trapèze et dire que je me suis heurté au front. Ils croient tout ce que je leur dis, les pauvres idiots. » Il eut bientôt disparu dans le brouillard et l'obscurité. Si épais était le brouillard que personne ne fit attention à la femme ni à l'enfant quand elle sortit du cabaret. Elle suivit le chemin de halage, eut bientôt dépassé les dernières maisons du faubourg, et continua jusqu'à un endroit où des saules rabougris étendaient leurs membres hideux, comme des bras de vieilles sorcières, sur les eaux sinistres du Sloshy. Oh, rivière parfois si impitoyable, quand tu engloutis jeunesse, beauté, bonheur, auras-tu plus de pitié ce soir ? Recevras-tu dans ta couche une malheureuse femme délaissée sur la terre ? Oh, rivière impitoyable, souvent si cruelle au bonheur insouciant, voudras-tu ce soir accueillir une malheureuse sans ressources et sans espoir ? Dieu t'a créé, sombre rivière, et Dieu a créé la malheureuse femme que le froid engourdit sur la rive. Puisse-t-il, dans son amour infini, dans sa compassion sans borne, pour les créatures faites de ses mains, avoir pitié de celles-là même, qui viendront chercher un repos défendu dans tes bras humides ?